Les hivers sont plus rudes à chaque fois, les gelées tardent. Mes doigts se brûlent autant que les étapes. Le temps m'est détache, mais les glaces tous les jours c'est des drames. Le blizzard il en fait des dégâts, l'ambiance est détestable. Le désert est arctique, dis-moi quelle est la tactique. La glace à l'horizon qui rapplique, gros. Dans deux jours on termine dans le carniveau. Le zéro est absolu, Rayo, moi j'ai pas de soluce. Toutes nos cartes sont nulles, on s'égare du but. La nature se venge, j'en vois pas de futur. Cœur frigorifié comme les murs de ma ville. Chaque jour parano comme un fou de l'asile. On attend la suite ou un tour de magie. Tout s'effondre à vue d'œil, j'suis pris de panique. La grêle gronde. Rien nous protège, j'entends le vent faire claquer les tonnerres. Du bout de mon stère, je vois tomber des comètes. Austère, j'observe ce chaos prospère. Un coup d'impuissance et de détresse, une force supérieure comme une maîtresse. La neige infinie que recrée son monde, plein de souffrance, peu d'allégresse. Tous ceux qui s'élèvent tombent depuis le sol. C'est comme le ciel s'est assemblé, s'est levé la colère lunaire. L'homme va-t-il être la cause ou les cieux vont-ils s'embrasser? Combien de chances aura-t-on de survivre sur ce corps? Dans sa misère, il a compris que venait le soleil funeste. La fin de toute vie, le chaos, où restera-t-il des âmes enlacées? Sombre violence dans la cause et conséquence. Consumé par notre soif de connaissance. Jeune héritier de l'aube dans ce nouveau monde étrange. Catastrophe ou expérience, le sort à danger. Dis-moi que pourrait-on bien y changer? L'égalité c'est qu'un air de flûte pour avoir les masques qu'il faut raquer. Ils ont fait tomber des nuages de plomb, des mélanges de cendres et de cyclones B. Cycle de l'eau déréglé, armes chimiques pour toucher les physiques. On est tous délaissés, tous des blessés, tous les victimes de cet acte cynique. Seis au clock, yo salgo del bloc, fort B aux zombies, c'est un estado de choc. J'ai pas compris, seis à l'époque, todo químico, armamento, Jonathan Stock. En qué mundo vivo, mi final escribo. Enfrente mío se mueren, nos muerte divina. El hombre es malo por naturaleza, veneno, la sangre nos envió. Déambule par mi corps sans vie, sous les ordres des hommes sans cœur. Rares sont ceux qui respirent encore, les plus chanceux nous quittent dans les premières heures. L'intelligence a tué l'être humain, la fin approche, y'a plus de main. J'étouffe, je sens monter le venin, je vais pas m'en sortir, y'a personne au secours. Tous ceux qui s'élèvent tombent depuis le sol. C'est comme le ciel s'est assemblé, s'est levé la colère lunaire. L'homme va-t-il être la cause ou les cieux vont-ils s'embrasser? Combien de chances aura-t-on de survivre sur ce corps? Dans sa misère, il a compris que venait le soleil funeste. La fin de toute vie, le chaos, où restera-t-il des âmes enlacées? Sombre violence dans la cause et conséquence. Consumé par notre soif de connaissance. Jeune héritier de l'aube dans ce nouveau monde étrange. Catastrophe ou expérience, le sort à danger. Dis-moi que pourrait-on bien y changer? Irrespirable et le vice reste vital, personne n'avait ce qu'il inévitable. Tu vois la terre qui crame, on laisse bleu diarrhée canner. Des cataphratères, une odeur de fin du monde. J'en ressens une onde, le ciel présente une onde. On a senti la spirale, son impact a fait si mal. Des avions étalés, des maisons qui planaient, tous fanés. Cette putain de planète brûle, c'est plus qu'un grand brasier. Puis erre à l'horizon, les oiseaux ne chantent plus. Partout ça hurle. Tout le monde à l'abri, les flammes prolifèrent. Je dois vite m'écarter de là où ça brûle. Le s'annule, c'est sur le fil que certains s'en sortent. Ni l'échéance, ils prient pour une chance. Nul étrange nu, mais rôde de nuit, règne lui à travers l'étanche brume. Des corps au sol, c'est la conséquence. L'enfer est réel, éterne. Des corps hostiles, quand est-ce qu'on se casse? Enterrer mes rêves, c'est fait. On regretterait presque les faits quand on voit la merde qu'il reste. Y'a plus que des mecs qui stressent. Des vies qui s'abaissent, un empire qui s'affaisse et s'apprête à faire crever l'espèce. Tous ceux qui s'élèvent tombent depuis le sol. C'est comme le ciel s'est assemblé, s'est levé la colère lunaire. L'homme va-t-il être la cause ou les cieux vont-ils s'embrasser? Combien de chances aura-t-on de survivre sur ce corps? Dans sa misère, il a compris que venait le soleil funeste. La fin de toute vie, le chaos, où restera-t-il des âmes enlacées? Sombre violence dans la cause et conséquence. Consumé par notre soif de connaissance. Jeune héritier de l'aube dans ce nouveau monde étrange. Catastrophe ou expérience, le sort à danger. Dis-moi que pourrait-on bien y changer?